Gérard et Françoise vont danser la bourrée, une danse d'Auvergne, de la France. Een deze dans voor twee personen zal Françoise bewijzen dat meisjes, les filles, les dames, les mamans, les grand-mères dansent beaucoup, beaucoup mieux que les garçons et les hommes. N'est-ce pas les filles? Oui, bien sûr. Pas de réaction des hommes? Oh. Anyway, you will see that it's true what I've said. Your attention please for la bourrée en Poitou d'Auvergne. Royal qu'on préférait dans les palais, dans les châteaux. Et pour cette danse, sauter, petit saut, non pas comme le disco, mais c'est saut élégant, passe double. Et alors pour cette danse royale, on est accompagné par le membre le plus sympathique de notre famille royale. Cher public, votre attention pour le prince Laurent. Sauter. Je vais te marier.